Bernard de Montréal, je ne connais pas, c'est qui? Ah oui, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites là? Bernard de Montréal, c'est la personne qui a amené le supramental au Québec. Ça a été quelqu'un d'extrêmement marquant. Il n'y a même pas de page Wikipédia, ils ne veulent pas. J'ai communiqué avec des gens qui se sont battus pour qu'il y ait sa page Wikipédia. Ils ont réussi à en mettre une en anglais parce qu'il y a moins d'impact chez les anglophones. Mais il y a tout le temps, il y a tout le temps du monde qui s'arrange que Bernard de Montréal n'ait pas.